Amen. Amen. Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous tous. Amen. Amen. Amen. Nous sommes contents d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes à l'école du Christ aujourd'hui. Voilà la semaine, les jeunes ont pris la parole pendant cette voix des jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes à l'école, nous avons un enseignement du Christ à prendre pour que nous puissions et les préparer pour la deuxième semaine. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'extrêmement important. Je vous demande déjà d'ouvrir vos cœurs, d'élargir les cœurs, comme la parole le dit, pour pouvoir recevoir ce que le Seigneur a à nous transmettre. Notre Père et notre Dieu, nos cœurs sont ouverts. Nos oreilles sont ouvertes. Nos yeux sont sur ta parole. Pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous enseigner. Et nous te redonnons gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je commence ce matin pour vous dire que la vie que Jésus a vécue sur la terre, c'était pour nous montrer comment on peut vivre la vie du ciel tout en étant sur la terre. Amen. Jésus est venu pour nous enseigner le royaume de Dieu. C'est son message. Allez, dit-il, et enseignez que le royaume de Dieu est là. Le royaume est proche. Le royaume est arrivé. Et il a passé ces 3 années pour enseigner, pour démontrer comment on peut vivre la vie du ciel tout en étant sur la terre. Il dit que ta volonté soit faite, où ça? Sur la terre, comment? Comme au ciel. C'est le programme de Jésus. Il est venu pour nous montrer qu'on peut vivre cette vie abondante, cette vie joyeuse, cette vie excitante, tout en étant sur la terre, une vie qui est compatible au monde de Dieu. C'est justement pour cela qu'il est venu sur la terre. Vu qu'il est le maître de cette vie et le maître de la vie à venir, il sait justement ce qui est bon pour nous et il nous dit, je veux que la vie qu'il y a de l'autre côté soit aussi vécue ici-bas et maintenant. Tout de suite. Amen. Amen. C'est pourquoi il est pour nous important d'avoir nos yeux sur la parole. C'est ce que John Henley nous avait enseigné ici et lundi dernier. Nos yeux doivent rester sur la parole de Dieu parce que c'est ça que Dieu nous donne comme un guide sûr pour nous enseigner comment vivre cette vie. La Bible va servir comme la constitution du royaume de Dieu, la constitution de ce gouvernement. Et ce qui est important pour nous, c'est de savoir, puisque Jésus est le maître, s'il nous dit de faire quelque chose, c'est parce qu'il sait que c'est ce qui est bon pour nous. Amen. Amen. S'il nous dit aussi d'éviter quelque chose, c'est parce qu'il sait déjà que le problème est là. Donc, ce que nous devons faire, c'est ce qu'on nous avait enseigné hier soir, c'est d'obéir à sa parole. L'obéissance est clé. Il est dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez quoi? Les meilleures productions du pays. J'aime toujours dire à mes amis visiteurs, quand ils viennent à l'église, et aux jeunes, que dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas de visiteurs. Amen. Ah! Il y a des visiteurs qui viennent dans l'église, il faut que ces visiteurs deviennent membres du royaume. Amen. Amen. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas de visiteurs. Amen. Amen. Si vous n'entrez pas dans le royaume ici-bas, l'ambassade est sur la terre. Si vous attendez de prendre l'avion et d'aller devant Comment on appelle ça déjà? Quand vous entrez. Dans l'aéroport, quand vous entrez, vous allez passer où ça? À l'immigration. Nous connaissons, bien propre. Si vous attendez d'atteindre l'immigration pour demander un visa, vous êtes back. Parce qu'il dira, je ne vous ai jamais connu. Vous devriez avoir le visa là-bas, sur la terre. Donc, c'est pourquoi vous allez voir dans cette constitution, il est dit toujours, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, si vous voulez entrer dans le royaume quand Jésus revient, n'attendez pas le retour de Jésus pour entrer dans le royaume de Dieu. Quand Jésus viendra, il viendra prendre ses citoyens du royaume. Vous devez être citoyen avant la venue de Jésus. Et c'est ce qu'il enseigne dans le royaume. C'est pourquoi il vous dit, entrez dans le royaume. Entrez, entrez. Il est venu pour enseigner qu'il faut déjà faire partie de ce royaume. Et pour cela, vous avez besoin de la parole. Cette parole, c'est la vérité. Il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le salut, c'est votre liberté. Libre de toutes les entraves, libre du stress, libre de la pauvreté, libre de la maladie, libre des hommes. Parce que vous serez aussi libre que la somme de vérité que vous connaissez. Plus vous avez la vérité, plus vous êtes libre. Et Dieu veut que vous soyez libre. Ça veut dire quoi? Restez dans sa parole. Il y a une question que je vous pose là maintenant. Est-ce que vous savez que Jésus est Seigneur? Amen. Ah, vous ne le savez pas encore. Amen. Est-ce que vous savez que Jésus est Seigneur? Amen. Amen. C'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Ruben C., la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné quoi? Le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et que, dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse quoi? Que Jésus est Seigneur et Christ à la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit me dit que Jésus est Seigneur et que toute langue doit confesser cela. Confesser veut dire reprendre la même chose. Le Saint-Esprit dit que Jésus est Seigneur. Regardez, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre ici dit que toute la maison d'Israël sache donc avec quoi? Certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur. Et vous devez connaître cette vérité parce que c'est la condition sine qua non de votre salut. Romains 10 me dit, si tu confesses de ta bouche, quoi? Le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je dis souvent qu'il y a quelqu'un qui est dans une prison. Et quelqu'un est entré dans la prison et lui a donné la clé de la porte de la prison. Et il lui dit, prends cette clé, mets-toi dehors. La personne a pris la clé, c'est une belle clé, une grande clé. Il y a la porte et cette personne est restée là, dans la cellule. Chaque fois qu'on est venu le visiter, il dit, si je prends cette clé et si j'ouvre cette porte, je pourrai sortir. Il a passé un an comme ça. Si je prends cette clé, la clé est dans sa main. Si je prends cette clé, si j'ouvre la porte, j'entre, je pourrai sortir. mais il n'a jamais mis la clé dans la porte. C'est une belle clé, une grande clé, mais il est resté là dans la prison. C'est exactement ce que nous faisons avec ce verset. Qu'est-ce que le verset dit? Si tu confesses, c'est dans votre Bible. Bel verset, belle porte, belle clé. Le texte dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous ne le confessez jamais. Vous ne confessez jamais que Jésus est Seigneur. Vous avez une Bible, belle Bible, grande Bible. Ça fait 25 ans, 30 ans depuis que vous êtes chrétien. Mais vous n'êtes pas dans le royaume. Parce que pour entrer dans le royaume, vous devez confesser. Pourquoi vous devez confesser? Parce que il y a plus que ce que vous voyez là. Le monde spirituel va s'arranger suivant ce que vous dites. Pas ce que vous pensez, ce que vous dites. Si vous ne dites pas que Jésus est Seigneur, ceux qui vous entourent, les anges mauvais, pensent toujours qu'ils ont droit sur vous. Si vous ne dites pas que Jésus est votre Seigneur, les bons anges ne doivent pas intervenir dans vos cas. Parce que ça doit passer par votre bouche pour donner dans quel camp vous êtes. Donc, quand je confesse que Jésus est mon Seigneur, automatiquement, les mauvais anges se retirent et les bons anges disent, ça, c'est pour moi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Ça doit sortir de votre bouche. Amen. Amen. Alors, question. Voulez-vous aujourd'hui confesser que Jésus est Seigneur? Amen. Je dois l'entendre de votre bouche. Amen. Jésus est... Je dois l'entendre de votre bouche. Jésus est Seigneur. Si tu confesses que Jésus est Seigneur, le texte dit, tu seras sauvé. Je vais vous dire une chose. J'ai découvert quelque chose qui m'a rendu léger dans la vie. Dans un monde rempli de stress, j'ai découvert dans la constitution du royaume de Dieu quelque chose qui me permet d'affronter n'importe quoi. Vous savez, il y a des textes qui disent, et le psaume 46, j'aime ce psaume qui dit, « Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Il y a une chose que j'ai découvert qui me permet maintenant de reposer en paix. Vous savez ce que j'ai découvert? Il y a un seul Seigneur. Et ce n'est pas moi. Amen. Je vais le reprendre. C'est une grande découverte. Ça a pris du temps pour comprendre ça. Hein? Il y a un seul Seigneur. Qui est Seigneur? Jésus. Il y a un seul Seigneur. Et ce n'est pas moi. Ça veut dire que quand les problèmes arrivent, nous avons toujours tendance à prendre les problèmes quand ils arrivent et à agir avec les problèmes comme Seigneur. C'est le Seigneur qui dirige. C'est le Seigneur qui décide. Amen. C'est le Seigneur qui donne la solution. C'est pas moi. Amen. Et quand les problèmes arrivent, nous avons tendance à gérer nous-mêmes les problèmes, à trouver la solution. Hey, je dis, ouais, il y a un problème ici. Et il y a un seul Seigneur, Ralph, il y a un seul Seigneur. Et ce n'est pas toi. Richie dit, ouh, Richie, ce n'est pas toi. Il y a un seul Seigneur, et ce n'est pas moi. Jésus est le Seigneur. Amen. Vous devez savoir que vous avez un problème dans votre famille. Ce n'est pas votre mari le Seigneur. Des fois, vous attendez à ce que votre mari résoudre le problème. Il n'est pas le Seigneur. Seigneur, le Seigneur, c'est Jésus. Amen. Donc, quand il y a un problème avec mon mari, qu'est-ce que je dis? Chérie, viens, on va voir le Seigneur. Amen. Si on ne va pas voir le Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une force. Ma femme a une force. Et ces deux forces, quand elles se mettent ensemble, Elle donne des résultats exponentiels. Un chasse 1000, deux chasses 10 000. Mais quand ces forces, je mets ma force en contradiction avec la force de ma femme, moins par moins donne moins. Plus, alors c'est plus, alors plus, hein? Plus par moins donne moins. Nous faut la mathématique quand même. Donc, il est le Seigneur, pas moi. Pas moi. Le Seigneur veut dire c'est lui qui est le propriétaire, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui est Adonai. Jean 13, 13 dit, vous m'appelez le maître et le Seigneur, et vous le dites bien, c'est ça, c'est ce que je suis. Maintenant, il vous pose cette question, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Et voilà là où on a tous les problèmes. Il est le Seigneur, c'est pas moi. Donc si c'est lui le Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Écouter Lolo ce qu'il dit et faire ce qu'il dit. C'est tout ce que j'ai à faire. Tout ce qu'Abraham avait à faire, c'est écouter ce que le Seigneur dit et il le fait. C'est tout ce qu'il avait à faire. Et le Seigneur prend soin d'Abraham. Comment il prend soin d'Abraham? Avec richesse et gloire. Selon sa richesse et avec gloire. Et il nous fait la même promesse. Déchargez-vous sur... Vous ne connaissez pas sur qui. Déchargez-vous sur lui, le Seigneur. Je vais vous dire le problème. Nous sommes dans un environnement démocratique. La Bible est dans un environnement de royaume. Les deux sont en sens opposé. Dieu n'est pas démocrate. Allô? Dieu n'est pas démocrate. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de démocratie. La démocratie vient de la culture grecque, pas de la Bible. Dieu est roi. Un roi ne demande pas au peuple qu'est-ce qu'il pense. Le roi dit, voilà ce que je veux, et le peuple obéit. Donc voilà pourquoi nous ne pouvons pas marcher avec la Bible, parce que nous sommes démocrates. Dieu n'est pas démocrate. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, œil pour œil, mais moi je vous dis, punto final, voilà ce que je dis. C'est fait ou pas fait? C'est la conception de Dieu. Dans le royaume de Dieu, Dieu est roi. Donc maintenant, quand vous dites qu'il est Seigneur, voilà ce que ça veut dire. Quand je prête allégeance au roi, automatiquement le roi s'occupe de tout pour moi, de tout. Le roi m'appelle. Le mot ambassadeur, c'est un mot du royaume. Ce n'est pas un mot démocratique. Ça vient du royaume. L'ambassadeur, c'est celui qui parle au nom du roi. Et automatiquement, qu'il y a un ambassadeur, l'ambassadeur, ce n'est pas lui qui doit aller chercher de quoi vivre. Dans le royaume de Dieu, vous êtes ambassadeur. Et il dit, c'est moi qui dois prendre soin de vous pour que vous-même, vous puissiez faire les œuvres que j'ai préparées pour vous d'avance. Alors laissez-moi aller aujourd'hui parce qu'en fait, qu'est-ce que tu as dit Seigneur? Voilà ce que j'ai dit. Allez, faites quoi? De toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le roi me dit d'aller. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller. De faire de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est celui... Le mot disciple veut dire élève. Allez, faites de toutes les nations des élèves, des disciples. Un disciple, c'est celui qui reçoit un enseignement du maître. Et ensuite, Ralph, le disciple, c'est celui qui va mettre la parole de son maître en application, qui va suivre son exemple. Quand on parle de disciple, remarquez, Jean, Luc 6, 40 dit, le disciple, n'est pas plus que le maître, mais le disciple accompli sera comme son maître. Le programme de Dieu, c'est faire de toutes les nations des disciples. Et toutes ces nations, c'est-à-dire nous tous qui devenons des disciples, nous devons être exactement comme le maître. Qui est le maître? Jésus. Jésus. Voilà le programme de Dieu, que nous tous nous soyons exactement comme Jésus. Alors, regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Un, nous devons demeurer dans sa parole. Regardez. Nous, le disciple croit en son maître. Le disciple écoute son maître. Il est en communion avec son maître. Le disciple et recherche la pensée de son maître. La Bible vous dira, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Le disciple, c'est celui qui est en mission pour son maître. Le maître lui dit, va faire ceci. Le disciple est parti. Le disciple obéit à son maître. Et il dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit faire quoi? Doit marcher comme il a marché lui-même. Nous devons aller faire de toutes les nations des disciples. Mais le problème, nous ne faisons pas des disciples, nous faisons des convertis. Il y a une grande différence entre les deux. Le disciple, c'est celui qui vit exactement comme le maître. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire d'autres disciples. D'autres disciples vont produire encore d'autres disciples. Et ainsi, en moins de temps, tout le monde deviendra comme Jésus. Et c'est le programme de Dieu. Alors laissez-moi vous montrer quelque chose. Nous devons être sur les traces du maître. Et si je vous... On n'a pas de temps vraiment pour étaler tout ça. Je vous montrerai que le maître dont il est question ici, Jésus, quand je vois sa naissance, sa conception, et je vois comment le disciple est né, je trouve qu'ils sont nés de la même manière. Waouh! Tenez-vous. Jésus est né du Saint-Esprit. Le disciple est né aussi du Saint-Esprit, né de Dieu. Je reprends, parce que je vois des visages. L'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et c'est ainsi que Jésus est né selon ta parole. Le disciple, quand il est né, la nouvelle naissance, c'est exactement la même chose. Nous sommes régénérés par une semence, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Vous ne lisez pas votre Bible. La Bible dit « tel il est », en parlant de Jésus. « Tel nous sommes ». Le « nous » ici, c'est moi, c'est Ralph, c'est Rubensi, c'est Carla. C'est ça, vous me songez ?« Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Nous avons l'amour de Dieu. Et en ce sens, le texte nous dit que Jésus n'a pas honte de nous appeler comment? Nous dormons, oui? Frères. Vous êtes les frères de Jésus. Amen. Amen. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Vous êtes les frères de Jésus. Amen. Je sais que vous ne comprenez pas encore. Et c'est justement ça le problème. Vous êtes les frères de Jésus. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que votre Bible, c'est dans votre Bible. Votre Bible dit, nous aussi, nous devons donner la vie, nos vies pour les frères. Et je vais vous montrer pourquoi. Il va dire, celui qui sanctifie, c'est-à-dire Jésus, et ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire Jean-Charles, Monique, John Henley, Winnie Jane, Charles Rubens, sont issus d'un seul. C'est dans ma Bible, je ne sais pas si c'est dans votre Bible. Ça, c'est dans ma Bible. Celui qui justifie, qui sanctifie, c'est Jésus. Et ceux qui sont sanctifiés, ma famille, sont issus d'un même. Jésus et ma famille, nous sommes ensemble, toujours ensemble. Je ne sais pas pour vous. Ah bon? Regardez. C'est pourquoi il n'a pas honte de m'appeler comment? Frère. Pourquoi moi je dois avoir honte de dire que Jésus est mon frère si Jésus lui-même n'a pas honte de m'appeler frère? Pourquoi? Hébreux 3, premier, c'est pourquoi, frère saint, qui avait part à la vocation céleste, nous avons part à la même vocation. Regardez ceci. Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Jésus se met au même niveau que vous. Ce n'est pas moi qui me mets à son niveau, c'est lui qui me met à mon niveau. Amen. Amen. Je vois que vous avez peur. Moi, nous tout à regarder, mon conseil. Mais regardez, c'est dans votre Bible. Ce que je suis en train de faire, c'est de vous faire voir que tout ce que je dis là est dans votre Bible. Et vous savez lire bien propre. Alors regardez. Je vais vous donner une information aujourd'hui. Le mot Christ n'est pas la signature de Jésus. Quand on dit Jésus-Christ, Christ, ce n'est pas sa signature. Allô? Le mot Christ, Christ c'est une fonction. C'est Jésus qui a la fonction de Christ. C'est quoi Christ? C'est celui qui est loin. Maintenant, le Christ, remarquez, Hébreux 3, 14 dit, car nous sommes devenus participants de Christ, de cette onction, de cette fonction. Ça veut dire quoi? Regardez. Où Éphésiens 5 me dit, nous sommes membres de son corps. Ça veut dire encore quoi? Que le Christ, quand on parle de Christ, on parle d'une personne spirituelle. Cette personne a une tête et un corps. C'est les deux qui forment Christ. Il y a un monde qui dit, je ne pas comprendre. Quand on parle de Christ, on parle d'une unité qui a un corps et une tête. Jésus est la tête. L'Église est le corps. L'Église n'est pas le corps de Jésus. L'Église est le corps du Christ. Allô? On a regardé dans la lune. L'Église, c'est le corps. Donc, chaque fois que Dieu dit Christ, il voit Jésus et nous. Allô? Les amis, nous louons la même jeudi, ah oui? Chaque fois que Dieu dit Christ, il voit Jésus et nous. Parce que nous formons le même, un seul corps avec Jésus. Nous formons un seul. Ça veut dire quoi? Il est temps pour que nous suspendions, ouais, c'est nous le problème là. Pour nous voir ouais, que c'est nous qui solution le problème, monde ça. Parce que nous faisons partie du Christ. Le Christ, c'est l'onction qui brise les joues. Lui, l'heure pour nous suspendre, mais nous lever la main, c'est du même problème. Pour nous, mais c'est toi qui dois maintenant résoudre les problèmes. Ça veut dire quoi? Vous devez connaître qui vous êtes. Vous êtes participants de Christ. Amen. Dans votre Bible. Eh bien, voilà. Je suis venu aujourd'hui avec mon appareil. Le problème, c'est ça. Vous êtes resté comme ça. Vous êtes resté comme ça. Vous ne savez pas tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous ne savez pas à l'intérieur de vous tout ce qu'il y a. Vous êtes aussi grand que le ciel. Vous êtes aussi grand que le ciel. Amen. Amen. Tout ce que le ciel peut contenir, vous le contenez. Nous pas même comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? dites-moi ce qu'il y a dans le ciel. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Il y a les anges. En plus. Qu'est-ce qu'il y a plus encore dans le ciel? Dieu est dans le ciel? Le ciel peut contenir Dieu? Le ciel ne peut pas contenir Dieu? Mais la Bible me dit que Dieu est en moi. Dieu est en mon cœur. Jésus est dans mon cœur. Vous voyez la grandeur de Jésus, il est dans mon cœur. Le Saint-Esprit est dans mon cœur. Donc, je suis beaucoup plus grand que ce que vous voyez là. La parole dit, vous pouvez vivre de toute parole. Toute. Sabbat dernier, on avait dit, tout veut dire. Ah, vous avez oublié. Qu'est-ce que tout veut dire? Tout veut dire tout. Vous pouvez prendre toutes les paroles de Dieu. Tout ce que Dieu dit, vous pouvez le prendre. La question, est-ce que l'homme peut comprendre Dieu? Réponse. Est-ce que l'homme peut comprendre Dieu? Pascal a répondu à cette question cette semaine. Il a dit oui. Il a dit quoi? Yes. Pourquoi? Parce que Éphésiens dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Pourquoi? En sorte que Christ habite où ça? Dans vos cœurs, par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez... Vous ne lisez pas ou vous ne voulez pas lire ou vous ne savez pas lire. Est-ce que je prends? Vous puissiez comprendre quoi? Avec tous les saints, quelle est la largeur de Dieu, largeur de l'amour? Quelle est la longueur? Quelle est la profondeur? Et quelle est la hauteur? Et connaître quoi? L'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Si je peux comprendre la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour. Or, je sais que Dieu est amour. Donc si je connais la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour, je connais Dieu. Je connais Dieu. Qui est mon professeur? Le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est venu pour me faire comprendre Dieu, c'est parce qu'il sait que je peux le comprendre. Et Dieu ne cesse pas d'être Dieu quand je le comprends. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal. Oui, vous ne lisez pas votre parole. Tout le problème, c'est votre parole que vous ne lisez pas. Jésus a dit, je suis le fils de l'homme. Vous l'appelez Dieu, il n'y a pas de problème, mais lui, il dit, je suis fils de l'homme. Et il n'a pas regardé comme une proie à arracher quand on l'appelle fils de l'homme, alors qu'il est Dieu. Ça n'enlève pas sa divinité. Pourquoi? Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Quand Dieu veut montrer à quoi il ressemble, il ne prend pas un animal. Il prend l'homme. Parce qu'il dit, il a été créé à mon image et à ma ressemblance. Pascal a montré au cours de la semaine, la valeur du produit détermine, le prix du produit, le prix qu'on paye pour une chose détermine sa valeur. Qu'est-ce que Dieu a payé pour moi? Pas l'argent. Hey, je ne vaux pas l'argent. La somme d'argent que vous avez ne suffit pas pour Jean-Charles Bernard. Je ne vaux pas l'argent. Je ne vaux pas l'argent. Ne perdez pas votre temps à chercher l'argent pour connaître ma valeur. Jésus va dire, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Ce n'est pas en matière d'argent ou d'or que vous connaissez la vie d'un homme. Quand Dieu veut montrer ma valeur, qu'est-ce qu'il a payé pour moi? Jésus. Qu'est-ce que moi, je vaux? Jésus. Qu'est-ce que Junior vaut? Jésus. Il a payé Jésus pour moi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé Jean-Charles du marché. Il m'a racheté. Il a payé totalement le prix. Et il a dit, Jean-Charles n'est plus en vente. Je ne suis pas en vente. Jésus m'a racheté. Il m'a transporté du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ce que je vaux, c'est Jésus. Amen. Je suis beaucoup plus à l'intérieur que ce que vous voyez là. Alors laissez-moi clore mon message maintenant. Nous devons suivre les instructions du Maître. Nous devons suivre l'éthique du Maître. Nous devons suivre le Maître. Tout ce qu'il a observé, il a observé la loi. Nous devons aussi l'observer. Comment il était dans la société, nous devons aussi être aussi, parce que nous sommes les disciples. Le disciple fait exactement ce que le maître fait. C'est exactement ce que nous devons comprendre. Le texte dit ici, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivez point leurs usages. Vous faites ce que je dis. Vous pratiquez mes ordonnances, mes lois, parce que vous êtes mes disciples. Le Dieu qui nous a créés connaît mieux ce que nous devons faire pour mener à bien notre vie. Frères et sœurs bien-aimés, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Jeunes gens, jeunes filles, vous êtes beaucoup plus grand que ça à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a le royaume de Dieu. Le problème, c'est que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui vit de l'extérieur vers l'intérieur. Et dans le royaume de Dieu, c'est le contraire. Nous sommes conçus pour vivre de l'intérieur vers l'extérieur. La parole me dit de veiller à ce qui est à l'intérieur de moi. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Jeunes gens, garde ton cœur. Jeune fille, garde ton cœur. Tu es plus que ce qu'on voit. Quand tu as besoin de voir ta valeur, ce n'est pas le miroir qui te donne ta valeur. C'est la Bible qui te dit ce que tu vaux. Rod, va dans la Bible pour voir ce que Rod vaut. Et je vais vous dire, qu'est-ce que Rod vaut? Rod vaut Jésus. Quand on regarde Rod, on regarde Jésus, parce que c'est le prix. Si je vais à Maxi, j'achète un sac de pommes pour 3 $, ce sac de pommes vaut 3 $. Dieu a payé Jésus pour Rod. Quand je regarde Rod, je vois Jésus. C'est pourquoi, les jeunes garçons, quand vous voyez Rod, quand vous parlez à Rod, rappelez-vous, vous parlez à Jésus. Ne l'appelez pas, hey, pss, pss. Non, Jésus n'accepte pas ça. Vous devez l'appeler avec honneur parce qu'elle vaut quoi? Jésus. Mesdames, quand vous voyez Ralph, n'appelez pas Ralph. Hé, hey, petit Ralph, attention, vous êtes en train de parler à Jésus. Vous devez lui parler avec honneur et respect. C'est ce que vous devez comprendre. Quand vous connaissez qui vous êtes, quand vous connaissez votre vérité, quand vous connaissez la parole, vous êtes libre. Amen. Amen. Jeunes gens, c'est ce que vous devez rappeler à ceux qui vous côtoient. Quand vous vivez cette manière en tant que disciple de Jésus, quand vous vivez comme un disciple, vous savez ce qui se passe? Automatiquement, vous attirez tout le monde. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que vous viviez votre vie comme un parfum d'une agréable odeur. Quand vous passez quelque part, quand on voit Lolo se présenter quelque part, tout le monde est attiré. Pourquoi Lolo est comme ça? Pourquoi Lolo ne fait pas ce que tout le monde fait? Parce que Lolo est disciple de Jésus. Parce que Lolo sait ce qu'elle vaut. Elle sait qu'elle vaut Jésus. Et tout disciple accompli sera comme son maître. Frères et sœurs, vous rentrez chez vous aujourd'hui avec une autre idée. Élargissez votre cœur. Élargissez votre cœur. Ce que vous voyez là ne suffit pas, ce n'est pas ça. Il y a plus que ça. À l'intérieur de vous, il y a Jésus. Et si Jésus est à l'intérieur de vous, si Jésus est à l'intérieur de vous, regardez, je cherche quelque chose, regardez. Si Jésus est à l'intérieur de vous, vous devez savoir que Jésus n'est pas malade. Vous ne devez pas être malade non plus. Jésus n'est pas pauvre, vous ne devez pas être pauvre. Jésus n'est pas déprimé. Jésus n'est pas stressé. Jésus n'a pas peur. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et vous devez par votre bouche, ouvrir votre bouche pour dire à la maladie, attention, vous êtes en train d'arriver sur un terrain qui n'est pas à vous. Ce terrain, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors regardez, Dieu a maintenu, si je peux déposer cette affaire pour le passer, pour ne pas passer quoi que ce soit d'autre. Dieu a maintenu toujours l'image qu'il avait de vous au départ. Est-ce qu'on peut apprendre cette phrase et garder ça dans votre cœur? Quand Dieu vous a créé, il avait, je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir, quand j'ai perdu mon père, quand j'ai perdu mon père, je garde une photo de mon père. Et cette photo que je garde de mon père me donne tout ce que je dois me rappeler de mon père. Vous savez, Dieu a dans sa bourse la photo de Jean-Charles Bernard. Ce n'est pas une photo de gros ventre, une photo de gros nez, ce n'est pas ça qu'il a. La photo que Dieu a de moi, c'est la photo qu'il avait prise avant la fondation du monde. Amen. Et cette photo, c'est ce que Dieu garde. Chaque fois que Dieu parle de Jean-Charles, il tire sa bourse, il dit, voilà ce que je vois. Voilà le Jean-Charles que je vois. Et puisqu'il me fait savoir ça dans la Bible, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais dire, ce que tu vois là n'est pas tout. À l'intérieur, il y a plus. Dieu me voit comme il m'avait toujours vu avant la fondation du monde. Comment il m'a vu? À l'image de Jésus-Christ. Amen. Sinon, on va dire Amen, on va finir, non? Amen. Nous voulons finir, vrai. Amen. Vous êtes devant Dieu comme il vous a toujours vu à l'image de Jésus-Christ. Amen. Gardez cette photo dans la bourse de Dieu. Maintenant, amen, vous finir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous tenons à vous dire que la semaine de prière, la semaine d'effort des jeunes se poursuit. Faites un effort, venez avec vos enfants. Et si jamais vous n'avez pas d'enfants, venez avec vous-même. Pas vrai, ce sont des moments passés avec les jeunes, avec les adultes, et ce sont des moments très enrichissants. Notre église doit être des centres de formation, des centres